les petits. Dieu est grand, tout le monde le sait. Bienvenue à Wa. Kamunda. Mané, mané, you got a good way, Munoyo. Frédéric Simula, à Nantes. Jean-Claude Diboko. Charles Condé, l'homme à la page. Na désir, na l'aide à mon vivre. bâti qu'à l'attendre. enfants. Joli Kiala Jean-Claude Mwemba Yebisaka Bango Adam Bombole Oye Mane Mane Mane Mane William Eda Wilfo Oye Mane Mane Nana Lutula Dodi Tepernose Qu'est-ce que Papa Pumbwe Sibu Chamala Dijano Chimiothérapie sans effet, mais bah praticien sans succès, chala maman. JPK qui t'engue roi des rois. Nana comme yo mituna kaso qui vraiment amoureux zalakae. Nana comme yo mituna kaso qui penza amoureux existaka. Kolongola Yesu, kolongola Gandhi. Kolongola Yesu, kolongola Sainte Mère Teresa. Patricia les cailles à vérité. Mayan vula ye kopoya kanama bele. Oya bolingo ye kopoya kanama tema. Izatwa la kisa yo bolingo la lune meme la yo tendresse. Moye meme la yo. Yo bimi Guillaume le conquérant ya mote manga yo. Oya kiloko la sonzu salima mabe. Véronique Obinda, maman Elsa. Mère Mavata na Bruxelles, Elvis Otadende, Popol Mukelenge. Yo mokolo ba ki yo kome mangana mokongwe. Tokati sa e baleti na ngambo e susu. Tokoma na katikati yo mwa ki singa ye. Na komyo te pa te pa sove ta jete. Faute zaya yo te ma bezali yang gaime. Il fallait pas aller à Dendon, à esprit à ce soir. Michou Savanay, Polécha na Bruxelles. Yoko kio yeba soki oza premier amour à moto. Simon Bongo na nombre. Kasi garantie koza la kate Washington. Que okoya koza la dernière amour à vina yeu. Awa peko ekografie à sentiment iza la kate. Vérité à moté ma moto na ma moko anzambe. Toti kaka kolo ta kole kamoula yampongi. Mambo fou la GG. Nakoma qui convaincu que vous allez mon santoué. Pantongonion son inventaire c'est ma belle. Oyo saling à l'élan, animi capska pangala. Que yezoua botamane vraiment l'un des côtés. Yozala qui oloba que vous allez ser en Christ. Vérité bimile l'ozala qui non ser en crise. Olino qui tenge kafumba. Washington, Bouji. Veli moto na katia bato mupao. Moto mousso mona moko li. Me mousso veno mona moko li. Veli mona pe moto li amboako. Yo moko zi numéro na yo opé sepana. Abenga, répondeur. Abenga, akwena, voya moan. Me chanje ka numéro te. Kanda ngoza kana wana jipika kitele ya nini bu. Moto nga na kende kulubalifa. Azonga na boulangerie qui bambi chintu na tropicana ramé à missi et même bayo mimi dispiri bobo le yondela la kisanga moka oyo e bomba sekele aliwa modogo boteko ngali bango mote marangai kosema po assurance a vie nangai. Izwa ta merite ya bolingo na pesa ki yo Washington Bouti. Il est des jours comme ça. Et bien la première dame Edith Lucie Tito. Veli beauté na kati ya ba beauté. Savez-vous que si tout le monde savait ce que tout le monde dit sur tout le monde, personne ne parlerait à personne. Mopao kanon kaka Godard Moutemo na Willy Carlos G. Moting et Agastino Mangala. Laurent Lorenzo. Chancelier Mido. Allez, mon fou. Yves de Molle. Christian Moussakouen. Jean-Marie Mulatto. Fali et Poupa Di Caprio. Gérard Issekia. Le sommet de l'Himalaya. Thierry le populaire en Canada. Bambi komi tungisa te Naza kombe kombe na mkoka nanga basoso Yote, yote Eric Lema Kakano liwa ya nkombo Talo higo kufa na kati ya vera lotoko ya mpaka na kwen ah. Ale swime legi Awe Eza mbeko la pesa ki Pako Onye mepo mandemo Ata na miso ya bato oboyi Papicho mwikatoni Eza senga kaka senga Ande na banaka Leko leza semako Kasinga tu matongo Foto Joel Bijoux, beleza, garçon suisse, Jacques Tchitchinja. Dieta Kabuya. Pese mona na kase sokyan bimbo yanga ordonance ya malaria monganga plaza kinina tie serkei ngana ko kenda wapi le roi soleil ko chima ya be ngalo me plime katwe wapi moya ngana bi mo a liko bolongo jona mbusha nge kama jidite wendo mama lo baka na sika lo boko ko sala ka liko ti afanye ya kasali so data matoko kanimu ya maye Alpha Moku, Osana, Dodo, Lide, De Mabiala, Doble, Saint-Omaye. Kiyo, Kanambu, Zamobeko, Na Pesaki, Berukin Express. Onye, Mepo, Mandemo, Ata, Na Miso, Ya, Mato, Oboyi, Na Kuzu, Bolibi. Hilene, Kapaya. Enza, Senga, Kaka, Senga, Ande, Na Manaka, Leko, Neza, Semako, Kasinga, Ato, Atongo. Mbuyi, Mwela, Charles Dangui Malinga kabalinga kanga ite anga mawai Mpasi ya kimbangu Mawe kosi ya te baki magiste Zamba lopa Bina balinga na bina na bina bina balinga na Kona mokili baye babo zali baye kolinanga Me purkwe toko mako inana kobo mana jalousie toni mokili zera elanduwe Zonzongo Chiunza. Jean-Marie Lokanga. Henri Papa Kitata. Zozo Moutens, la métropolis, Kina, Kina Mbouide, Petit Avienaye. Benga Philippe Kazaku, Yona Bavon Bobino Makengo, Franck Kando Mams Kamavoa pour le salon des artistes. Le babala Grave, Corinne Yakini, drôle de dame, Jean-Willem Tsiku, Davos Lelo, Tobina. Bienvenue Beken, le mot grosso le plus célèbre, maman et mère se trouvent. Je t'aime. zéro foot, Nancy Wash. Ikaku, ikolo ya nzete, bako sale la kaye, mousaka te soki na nozwi yete ou. Ce n'est pas possible. La sultane violaine du Sévi. Ikaku, ikolo ya nzete, bako sale la kaye, mousaka te soki na nozwi yete. Marie-Claire Candé, Marité et Volopo. Est-ce que au Balanga? Est-ce que au Balanga? Est-ce que au Pessambon et Panadiso? Marto Bambo. Est-ce que ma parole n'a pas la si belle et bon mon aïe? Au cas où Balanga et bon mon dirigeant. Nana bona boye nga pe ya zo de ke bolingo yo comme melanga est-ce que ça ya bonement bolingo ya recharge wananga na boye na boye neli ka wiku to le wendo malulongo no Sale la caye, moussaka te sokina nozwi yete, me anzo de gemi. Marie Cécile Ikali, la dame des dames. Ikako, likolo enzete, bako sale la caye, moussaka te sokina nozwi yete. Aussi qui le millénaire, me anzo de gemi. Bienvenue Kusumbe, superstar. Julie Lumbe. Mamaraka Dijon. Gracias. Mama, yoka vibration. Fiston Malila, Wapi Martin Bikoko. Assurance Jean Mayaka Pongo François Moutéba Marceline Angelbuch Resto Likemba chez Véro Abitier Jean-Luc Moukoko Afro-Shop Véro Coiffure na Cologne Albert Candolo Moto kina yoko ya kozwa lifu Bongo kubakolo mabanga Sistema bikisaka yo na nkoi na zamba bakata na mone langa te mwana. Pour la boulimona pesa qui a les anges réciprocité, yoko singa ina baserman d'amour oye koma kata e pa yanzambe te yoko li yanga monte ma yango koma plasa kate nasi yambula na kotoko shok ene ki makasi otalangamba la mi balete pardon mi tiene si karanga papi chongo mwe katone I love you papi osala yo kende kozonge la bolingo na yo ya kala katike li ontango si mamikolo yanga pe kokoma ya kala kukulu kozonge yanga kasi na kolimbisa yo lukula balimbisa ka moto awe salaka na mwako yepa eno kitoko zanga nzo kubona likelele Pomote mananga eba eba deception mon amour Via moi si ezali compliqué tango na imo kuse Papicho de mweka chole Sote nyo so yanga men pona linga kiyo Amo pli grao de fora koka kate ko bimi Sa se ke chela sana mo kema papicho mweka chole Sandra Kameke prend papicho par la main Pasia yo nazali komona na motema na ngai Motema na ngai kotanga makila lokola mona nzambe sur la croix Lokola mpasi bana Israel ba mona kana desert Pendant 40 jours et 40 nuits C'était souffrance Ako kasa Huberti Bangani Motona kati imbwa na sima Nani azola na nani Pacho muluba silence d'or Eloge de l'île Tanga kombwa moto alinga kaye pa yo zali Fungola bolingo papicho ezala maboko mayo Gérard Landou l'espoir de Chicago Avance na mame manza chéri ke na linga kayo Matamba na biso ibanga na zo soufri Patrick de Panama, Papi Tukuzu. Angweta na kalaka kofo mwana ngayata minyoke Pongwa bolingwa tayi mwana tongo mafungo na kaye Singa, Papi Chowo Na tongo ya bolingwa tukarasi yako madenge Mandengo zoke nananga kalatuko ya koko misanga Mwenge Zagle Chishimbe, Mayuyo Lambemi Fuelo de Souza Tango meka kinga mwona kinga iso kaye Mano bape bizaleli na vieza la kia banjelu Lelo la tielungi ayuto lo binga na komi pololo Angele Moussouaili Makizele Matango zo satana peko bina na katia butu Yeba kelke par kaka na katia meme butu ango Mwana mwoni nga mpura ya zo soufi na misole Desit Masera Papito me catoni Aimé Umberto Anita Anissi Pembele Zimutu Pegon Zio Ernesto Martin Mademana Kangai Rento Vena Papi Menga de Vandame Trésor Chambre Jean-Pétro André Olena Deba Banikina Debola de Bundes Issa Japan Laure Malalou London qui veut toi Sibana Loa Arieto Kapangala, le champion, l'homme à la Rolls, Azako Tiola, Seko Tiola. Eba. Tonton Das Mampouya de Paris. King King. Merci. Tout le monde est là. Vitamina Nini. ya ekachaka na iba kulenge na yo lelo na lobi. Lamartine, Verlaine Baudelaire, de là-haut prenez note ekachaka. Chaka nga na boi na watu kananga na ebinte baya tenge kusuka vraiment kolingali kitu talilonga bela baya kila kita na lingi c'est vrai nga na lingi zambe ambalo yoso kira bukiro kuta pesa nga etumbu makarali wala ndaye moto alela nga temo pete ayo kanga mawa na kende nga mokola nzela lilita na bolingo na nga ekachaka yo ina Iram imbwa akamwaka singa ya loketo kasi oyo akingo te ya kokomisa nga na suka. Samba na bibale, bandeke na bibwele, zambo sala chute du Niagara. Kasi ozala kite satisfaire, moye ko sala ekachaka. Merci pour tie na maboko manga. Jean-Dominique Okemba, le spécial. Kolinga te yeye kachaka makila na leta. Bongo ya kolinga ngana na kechope. Lobelanga ekachaka lilobo yo rena lobelaka kwase na lito ye oh bazwa babolingo bateka na zando kambela ekachaka vole mille Barcelone ayoui pesa nga ekachaka tala mweti na yo mpona nga se sufi ekachaka mama lobaka soki bolingo ye loko ofele eyipo moto akoka kosomba yango te. Boni yo sanza na komi koluka yo na torche tolo pamba pe fololo na loboko ya mobali ekachaka nga vraimoi mawato kananga na ibite na iram ninge kosuka vamo kolinga elekito talelanga bela mariango. Bako mo regrette pe bay babala kate bayo kaposa ko kongole en justement Hugo Golondele. Ayu ayu lelie ekachaka balanga bay babala ki pese bako mo regrette pe bay babala kate o bayo kaposa ko kongole en justement vitamina nini. Bandeke na bibwele, zambo sala chute du Niagara. Kasi o sala kite satisfe, yango yeko sala ekachaka. Merci pour tie na maboko mango. Gigi Lokondesa, Nono Yengo in London. Kolinga te kachaka, makila nange tanga, bongo ya kolinga ngayo. Belanga ye kachaka lilo bayo rena lobela karua sena lito ye blandin malila pesa nga ye kachaka tala mwati na yo ponanda sa sufi bozua bozua taba bolingo bopeta clarite bomboko. bose kangate nazo meka babu talaik no loketo cheneta or blanc Namo papa na prince. Winnie Olga Matamina Itina Dani Kolokomo mal. Mambo m'abuse. Junior McEnroe, de King, Denis de Bambon. L'homme au pouvoir, Papi Kelly. Rémi Kilola, Betty Kapanga. Prêtre Lindila, Eric Kudia, Mustapha Toulanda Manka sécurité, Franco Kissa c'est très fort. Frédéric Bassissi. Bona nini lelo na suke ya kopesa nebo kabwani. chéri yo salinye yo sale lo que za la cate soni na manina yo pico lima se llama la moya no na cate amo tema oloni lilita kala simetie e ma pepe kale apata mami mola eso na reposa nene Masekete Denge mba kisa kindeke ya pumbu kalipa pulio kote Ile jameko kyo mone na sani Ililu mande mawa Bose kamate Nazo meka Shale shamba Cheri nangolo bako sambe la kaisko ibiko Olingwe kwa mama na bibia Nengi nini poli misanga Nalela nengi Pietro André Olela. Maloba nenge nini pongi ma pardon nanga. Verset nini ya Bible na tanga mpo olimbi sanga. Ale barakuda. Miami sofoti le baluka makila mpo yokamawa. Awako siyoko misi nga imoto mosusu. Nzela peko yoke na kieza sans unique. Rami ya misi. Yonzo niwa. Mbayo, papa na Jean-Baptiste Mbayo. Nzambe pourquoi vraiment salamo kili boye? Pourquoi nzambo salamzo to nanga boye? Yotiki ba mombo nyonso ya corps humain nangai. Laurent Lorenzo. Yoponi kaka motema otie bolingo kuna. Awa peko motema zalaka irremplaçable. Talandenge komyonyo kolonga iputu moye. Alors que ce qui est à Kangwata na makolo, ne na kati oyanga makolo na bosana. Pona gotiola, en tout cas, aussi oyebi. Si go etelika go iba pe konana. Don Pierrot, toujours à la page. Jackie Bogambi à Vanga. Tobozo besalangando Lelo na refreshe Mana pesi yezo Mwaki makimbula Na katia ebali Wali nakyo sante Maizo tomo bimba Mwia mesana Na bamatanga yangulate Nenge moko Nazo sema yoto bandela Yo pesanga Gam complete ya bolingo na yo Boba pseudo amour Oyo e soin takai Oye na kisaka Banda boya sentiment E amour na ye Pana yo Robert Ravisse Songe la mai Mayo Dike Kalukemba Sami Kalukemba Jani Mavanga Nganda Mama Leki na Londres Global Express Jean-Marie Kassamba Nazoko karate En voisine d'Embo Elles ont supporté tes co-vivre sans toi Ntango nazala ki namamo kwanzo niwa Tendresse zala ki éclaireur ya bolingo Douceur na ye défenseur ya l'amour Atiaka fondation infidélité Lovis Katumba Nakoma ki yo passe na moi paradis nanga sur terre yo ravisse Ça me met ma soldat Que on s'allie moi La mort de Pomatika Yoboleka Beaucoup m'a tié Panami Sans ceux qui jouent En vez à la Kipoyo Yara te voyons là-bas Beaucoup comme mon ama Parvalelo Claude Moussaï Robert Ravisse Yosali Yuanga Robert Ravisse Mon sucre et ton miel Mère Chanta Awo comme Alpha Omega Bando Tobangae Genèse un peu apocalypse où y a ma pensée n'angai. A chaque parole n'angai kaka komo na yo refrain. Na tout alibaku kaka komo ravisse tout le temps. Yo ravisse, yo ravisse. Freddy Mayabo. Toujours, toujours. Papa Denzel. Yeah. message à Bobo. La saison s'échauffer à tarir toute la rivière. Je me ferai tout ce qui fait mal au corps humain pour pouvoir avoir assez de larmes pour arroser le jardin de ton amour. Soki penzami asala kangarobo, destiné sena bolingo ya tabu fatu. Étoile qui salamana formé à tabou fatou, topé bâti à manivelle, la moté manangé, et tout la cana sauce à bolingo naïe, et commis sangré esclave à l'amour à tabou fatou, à éviter. Ne me donne pas ce que j'aime, donne-moi ce que je veux aimer. On a coproduire uniquement bah je t'aime tabou. Est-ce que battre à Tangami c'est la bolingo? Orienter la direction y a si plein tabou. N'a que ma bonne et en vous n'a jamais naïo. Miso so que mon yo se wenti gaga kozala. Mbapa si nyo songa na mone la yo tabou. Abo moninga ini tele misona yo. Wadwani ya bolingo tabu wadu. Beko nyo kina la misala mabe. Tabu motona lingaka lingaka ate. Azolu kela mandela ye lilita nanga. Lelo wako nyo neide. Tabou Fatou, Bango Rignaga na veu na jeune réseau na Kapingati. Bapi me la prisonnier n'y a son aboloko e. Kasi bo pepe te ou maman compresso. Ata loko la na kanga ni la bolingo na yo. Tinde langa si oxygène ya ngo bolingo na yo. Sauve ta ni biki nanga. Kaps kapanga la na fera. Combattez-vous et bêtez, n'engueulons l'amour, n'engueulons l'amour. ambassadeur au Canada. Edo Moog Service Maputo. Boutique Moog Service. Niam Niamalembe. Rosette Danga et Pierre Léo. Nzoto na yenga na yebielo kwe bunga na ngo bangote.